La science CQFD, Natacha Triou. Et si nous mettions des panneaux photovoltaïques dans l'espace pour récupérer sur Terre cette énergie solaire? Le projet est en cours d'étude, passera-t-il de la fiction à la réalité? Imaginez une source d'énergie quasi infinie, relativement propre, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ce sont les promesses du solaire spatial, d'abord pensées par les auteurs de science-fiction. Face au réchauffement climatique et face à l'impératif de décarboner nos énergies, de nombreux pays sont entrés dans cette course technologique. Le solaire spatial peut-il être une technologie clé pour atteindre le zéro carbone? Avant de devenir l'énergie verte de demain, il reste encore quelques verrous techniques. Solaire spatial, tu veux ma photovoltaïque? Jean-Dominique Coste, bonjour. Enchanté. Vous êtes chef de la fonction Blue Sky chez Airbus et vous y explorez les technologies de long terme. Jérôme Pérez, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur en astrophysique théorique à l'ENSTA, Institut Polytechnique de Paris. Et nous sommes en ligne avec Léopold Sommerer, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des concepts de projets avancés de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, et vous travaillez sur le projet Solaris. Merci d'avoir accepté notre invitation en direct de France Culture, et merci à vous pour votre écoute. Je vous invite aussi à nous suivre sur Twitter pour retrouver toutes nos sources. C'est tout de suite à @CQFD et c'est à retrouver sur notre page sur franceculture.fr. Jusqu'à 17h, nous parlerons donc des éventuelles capacités du solaire spatial pour décarboner l'énergie terrestre, de comment transmettre de l'énergie depuis l'espace et des technologies concernées qui restent à développer. Pour commencer, en 1975, avant de penser à les délocaliser dans l'espace, on constatait déjà les avantages des centrales solaires terrestres face aux centrales thermiques classiques. Je crois que la centrale solaire de puissance ne pourra, il est vrai, rivaliser avec l'unité nucléaire quant aux investissements qu'elles appellent. Elle peut se multiplier. Sa dimension maximale est la centaine de mégawatts électriques. Annexes et circulations comprises, une telle centrale occupera une surface de 5 km² si elle effectue la conversion héliothermodynamique. 8 km² si elle est réservée à la production du courant par cellule photovoltaïque. 80 km² si on la réserve à la photosynthèse et à la fermentation. Et alors, il y a quand même une question qui peut se poser à l'esprit de plusieurs de nos auditeurs. Est-ce que ce n'est pas démentiel que d'avoir besoin d'aussi grandes surfaces pour produire de l'énergie? Est-ce que la Terre ne va pas se consacrer à produire de l'énergie au lieu de jouir d'elle-même et de l'environnement? Monsieur le Lyonnais, cette remarque a été souvent faite. Mais réfléchissons ensemble. Nous regardons une centrale thermique classique, avec sa clôture bien nettement délimitée. Ben, elle prend moins de place. C'est exact, elle consomme du fioul. Attribuons-lui la part qui lui revient des champs pétrolifères qui l'alimentent. C'est vrai. De la surface occupée par les oléoducs, par les quais d'embarquement et de débarquement, la surface de l'usine de traitement, la place occupée par les moyens de transport jusqu'à l'usine. Et, s'il s'agit d'une centrale de grande puissance, à la sortie, les lignes haute tension occupent une large part du sol. Voilà notre archive de 1975. Jérôme Pérez, une réaction à ce qu'on vient d'entendre? C'est très contemporain, parce qu'il commence déjà à faire le bilan carbone de son projet, donc c'est intéressant, c'était un peu le seul à l'époque, mais j'aime bien le ton aussi, c'est plutôt technique, c'est assez rare d'entendre ce genre de choses, c'est très bien, bravo. Merci à notre réalisateur Olivier Bétard qui s'occupe de chercher chaque jour nos archives sonores. Vous aussi, Jean-Dominique Coste, qu'est-ce que vous inspire cet extrait sonore? Alors, ouais, c'est intéressant parce que les ordres de grandeur de puissance qui sont évoqués sont beaucoup plus petits que ceux qu'on regarde aujourd'hui, donc ça me rassure que la technologie a beaucoup progressé. Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose qui a changé? C'est qu'on regarde pas uniquement le volet environnemental, on regarde aussi le volet stratégique d'accès indépendant à l'énergie que cette technologie procure. Un élément qui est particulièrement important aujourd'hui suite à la crise en Ukraine. Léopold Sumerer? J'ai un peu des réactions similaires à mes collègues. Et les questions principales, d'où vient notre énergie, sont les mêmes maintenant qu'en 1975, je crois, c'était cette archive. Et c'est une question qui reste avec nous encore pendant quelques temps, j'imagine, parce que on a besoin d'énergie et elle doit venir d'une source fiable. Elle doit venir d'une source qui est économiquement possible et qui n'a pas trop d'impact environnemental. Et tout ça a déjà été bien mentionné dans ces archives. Alors, les intérêts du solaire terrestre, on les connaît. Mais quel serait l'intérêt du solaire spatial, Jean-Dominique Coste ? Alors, clairement, c'est aujourd'hui la seule énergie renouvelable qui promet d'être disponible 24 heures sur 24 en continu. Alors, si beaucoup de gouvernements aujourd'hui prétendent à arriver au zéro émission en 2050 à travers les énergies renouvelables, le problème, c'est que quand on investit dans une ferme éolienne de 1 gigawatt, 1 gigawatt, oui, quand il y a du vent. Quand on met une ferme solaire à 200 mégawatts, oui, quand il y a du soleil. Et tout ça, c'est intermittent. Donc, c'est difficile à alimenter un réseau urbain, un réseau national avec ce genre d'énergie. Par contre, le solaire spatial promet l'accès continu à une énergie propre. Et en plus de ça, comme je l'ai dit précédemment, il assure un contrôle total sur le réseau énergétique. C'est-à-dire qu'on, si on a un problème, un incident diplomatique avec quelqu'un, on peut rediriger le rayon si on le veut. On peut envoyer le rayon là où il y en a besoin, ce qui n'est pas possible avec les réseaux actuels. Léopold Sumerer. Oui, c'est tout à fait correct. C'est ça l'intérêt principal. On peut avoir l'énergie propre 24 heures sur 24, sans variation saisonnière, et on peut la transmettre là où on en a besoin, quand on a besoin. C'est ça le principal avantage. Alors on pourrait se demander pourquoi on l'a pas encore, et peut-être on va y revenir dans cette réunion. Jérôme Pérez, dans les grosses lignes, quel est le fonctionnement ? On reviendra dans le détail, mais dans les grosses lignes, quels sont les mécanismes généraux du solaire spatial ? C'est en plusieurs parties. D'abord, il y a l'énergie primaire qui vient du soleil. Le soleil, c'est une grosse machine à émettre des photons. Les photons, c'est des petites particules qui contiennent de l'énergie. Et depuis le début du XXe siècle, on a compris qu'on pouvait utiliser cette énergie à diverses fins. Et notamment, on peut l'utiliser pour, quand on a architecturé la matière au niveau microscopique, on peut l'utiliser pour faire bouger des électrons et donc créer un courant. C'est les panneaux photovoltaïques. Donc ça, c'est une vieille idée. Et donc, si on s'arrange bien pour qu'on ait des panneaux photovoltaïques qui soient en permanence éclairés, on peut générer du courant. Alors le problème, c'est que c'est du courant continu et que le courant continu n'est pas facilement transportable autrement qu'avec des fils. L'idée, c'est de récupérer ce courant en dehors de l'atmosphère pour l'avoir en permanence. Hein. Donc, il faudrait mettre une sorte de chapelet de panneaux solaires autour de la Terre pour qu'on ait tout le temps de l'alimentation par le soleil. Et ensuite, de récupérer cette énergie qui est produite là-haut et de l'envoyer sur Terre. Alors là, il faut la transformer, ce courant. Parce que c'est pas facile d'envoyer du courant continu à travers l'atmosphère et sur des grandes distances, sans fil. Donc là, il y a toute une opération qu'il faut faire, et dont on va reparler, j'imagine, pour la transférer sur Terre. Et sur Terre, il faut la récupérer. C'est pas aussi une mince affaire, parce qu'il y a des problèmes de diffraction, on va revenir là-dessus. Et quand on a récupéré cette affaire, ensuite on la met dans le réseau, et là, c'est vrai que si on arrive à faire ça, là, on aura de l'énergie quasiment à foison, parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui vient du soleil, en permanence, et qui n'est pas du tout récupérée. Ça serait vraiment une idée magnifique. Ça fait longtemps qu'on connaît ça en physique, mais j'imaginais pas que des industriels et des gens qui s'intéressent à ce projet, j'étais surpris quand vous m'avez contacté de savoir qu'il y avait des gens qui s'intéressaient à ça de plus près que moi dans les calculs. pour résumer, les grosses étapes, grosso modo, grâce aux panneaux solaires, on transforme l'énergie du soleil en électricité, on convertit en micro-ondes, on dirige ce faisceau micro-ondes vers des antennes terrestres, avec pour finir une dernière conversion vers une énergie électrique exploitable. Ça, c'est le mode opératoire, mais ça signifie aussi que l'énergie solaire spatiale repose sur des principes technologiques qui existent déjà, Jean-Dominique Coste. Enfin, c'est comme vous venez de dire, ça, c'est des choses qu'on... Alors oui, disons qu'il n'y a pas de nouvelle science à démontrer. Par contre, il y a des gros challenges d'ingénierie et des limites aujourd'hui technologiques qui rendent le système très inefficace. Avec la technologie actuelle, on a des niveaux de rendement qui sont pas intéressants pour rendre le modèle économique viable. Mais nous savons, en tout cas dans mes équipes, nous savons comment faire repousser les limites des composants actuels pour arriver potentiellement au niveau qui nous permettrait d'avoir un système qui soit commercialement viable. Commercialement viable. Pendant longtemps, cette histoire, comme vous le disiez, Jérôme Pérez, c'était un peu de la science-fiction. D'ailleurs, cette technologie a été imaginée il y a un siècle par le Russe Konstantin Tsiolkovsky. Puis, ça a été repris par l'auteur de science-fiction, Isaac Asimov, dans sa nouvelle intitulée « Raison ». Là, aujourd'hui, ce n'est plus de la fiction, hein, Léopold Sumerer. Ce n'est plus de la science-fiction. Ce n'est pas encore la réalité non plus. Mais je vais peut-être revenir un peu à ce que Jean-Dominique vient de dire. Effectivement, dans les satellites actuels, on fait exactement ça. On capte l'énergie solaire, on la convertit en énergie électrique pour le besoin à bord, pour nos ordinateurs, les processeurs, et pour transmettre après des données de l'espace vers la Terre. La grande différence là, ça serait on prévoit de transmettre pas des données mais l'énergie, et c'est cette partie là qui est encore un peu expérimentale. Ça a été démontré dans les labos terrestres, mais ça n'a jamais été démontré de l'espace vers la Terre à une échelle importante. Et ça reste encore à démontrer que c'est faisable avec une efficacité assez haute pour que ça devienne aussi économiquement intéressant. Ce n'est plus de la science-fiction parce que Léopold Sumerer, hein, l'ESA, élabore des plans de centrales solaires spatiales. C'est le projet Solaris. C'est un programme préparatoire avec prise de décision en 2025. De quoi est-il question pour le moment ? En ce moment, on a plusieurs volets. Le premier, on développe un système de référence, ou peut-être deux systèmes de référence, qui vont nous servir après de développer des technologies spécifiques. Alors, le premier volet, c'est de développer cet système de référence. Qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire on veut avoir un design, un concept qui est cohérent, que on peut utiliser pour bien développer des technologies qui sont le deuxième volet des technologies de transmission par micro-ondes, des conversions de d'énergie à bord à haut rendement, la gestion et la distribution de l'énergie à haute tension dans l'espace, la formation précise de ces faisceaux et plein d'autres technologies. Et après, on regarde encore deux autres aspects qui sont aussi importants. Une, c'est tout ce qui est l'aspect réglementaire. Et le troisième, c'est des connaissances scientifiques qu'on doit encore mieux comprendre pour bien établir la faisabilité de ces systèmes. Ça implique l'interaction de ces ondes avec la ionosphère, avec la faune et la flore, et des risques qui sont potentiellement pas encore tout à fait connu, qu'on doit développer encore. Alors ça s'appelle Solaris. C'est un programme préparatoire qui va nous amener à avoir une meilleure compréhension pour pouvoir proposer en 2025 un programme de démonstration en orbite. Et on y travaille dans ces quatre volets actuellement. Airbus contribue au programme préparatoire Solaris de l'ESA, Jean-Dominique Coste. D'ailleurs, Airbus et Solaris ont fait une démonstration terrestre l'année dernière sur la faisabilité du projet de bout en bout à échelle réduite. Le premier objectif de cette démonstration, c'était de réaliser une preuve de concept. Oui, alors il y avait deux objectifs. Un objectif d'apprentissage technique, parce qu'on n'a jamais fait ça en Europe et on a été les premiers à mettre les mains en fait dans le cambouis, à essayer de comprendre comment ces systèmes se construisent. Et quand on les fait à petite échelle, on comprend qu'est-ce qu'il faut pour les passer ensuite à plus grande échelle. Donc on avait, on a commencé avec donc l'énergie solaire qu'on a prise, qu'on a convertie, qu'on a transmis jusqu'à près 40 mètres, et on a réutilisé cette énergie-là pour faire de l'hydrogène vert et alimenter une mini-ville, comme ça serait le cas dans le futur, avec des partenaires. Et comme ça s'est très bien passé, Airbus en interne, nous avons décidé donc de financer un deuxième démonstrateur qui s'appelle Zeus et qui sera prêt normalement l'année prochaine, qui sera aérien. Donc notre approche est un peu en parallèle de celle de l'ESA, où l'ESA regarde le grand système final, les études de faisabilité. Nous, on a une approche qui est un peu plus terrain, c'est qu'on bâtit les briques technologiques aujourd'hui qui sont démontrables au sol et dans l'air, et on cherche des cas d'utilisation avec des grandes entreprises du secteur de l'énergie pour voir déjà comment cette technologie peut aujourd'hui déjà être utile au sol. Et en préparant ces briques technologiques, on se met sur le chemin de l'espace à terme. Et puis deuxième objectif, c'est un objectif politique. Exactement. Donc nous, c'est une technologie qui est quand même qui paraît très exotique. Même chez les professionnels du milieu, ça semble exotique. Et on a, alors c'est pas évident de convaincre les gens que c'était pas de la science-fiction, que c'est faisable, que ça peut être une bonne alternative, une bonne option dans le mix énergétique du futur. Donc on voulait montrer à des décideurs que en fait, ce n'est pas que des vidéos, des idées, qu'il y a des industriels en Europe qui sont capables de le réaliser et qui pourraient porter le projet à terme dans le futur. Alors, en termes d'agenda, pour l'ESA, il s'agirait d'une mise en orbite d'ici 2040. Ça implique une démonstration en 2030 à échelle réduite. Donc, pour le moment, on développe toutes les technologies clés afin que tout ça soit réalisable. Mais quelles sont les technologies concernées et sont-elles actuellement au point ? Restez avec nous. France Culture, la science CQFD, Natacha Triot. C'est 16h17 sur France Culture avec Jean-Dominique Coste, Jérôme Pérez, Léopold Surmerer. Nous parlons de solaire spatial. Nous venons de définir dans les grandes lignes son fonctionnement et le projet Solaris de l'ESA. Alors, Jérôme Pérez, le reste du monde avance aussi sur le solaire spatial. Quelles sont les initiatives des autres pays ? Alors, je pense que c'est un projet qui intéresse absolument tout le monde parce que c'est un accès à la ressource énergétique quasiment illimité, quoi. Dans la hiérarchie des civilisations, je crois que c'est Kardashev qui a étudié ça, on deviendra une civilisation intelligente à partir du moment où on arrivera à récupérer toute l'énergie qui nous est envoyée sur la surface de la Terre depuis le Soleil. On est encore loin de ça, on est à 10% de ça, en faisant la somme de toutes les énergies qu'on est capable de produire. Donc c'est un projet qui mobilise absolument tout le monde, que ce soit des théoriciens, des profs de physique comme moi, et puis forcément quand on a la technologie. Parce que ce que viennent de dire mes collègues, hein, et je pense que c'est vrai, il n'y a aucun doute là-dessus, on sait faire à peu près toutes les étapes intermédiaires à une petite échelle, et l'idée c'est de passer maintenant à grande échelle, parce que si on veut produire suffisamment d'énergie, en récolter, on va dire, il faut une échelle un peu plus conséquente. Et là, ça commence à poser des problèmes de physique très très intéressants. Maintenir en orbite une grosse antenne, changer de fréquence en orbite à cette échelle, récupérer, passer l'ionosphère. Enfin bon, c'est vraiment des problèmes qui sont très très intéressants. Il était temps qu'on s'y intéresse. Des problèmes, en effet, que prennent à bras-le-corps d'autres pays. On peut parler des autres initiatives internationales, Jean-Dominique Coste. Oui, alors je pense que les pionniers, ça a été les Américains dans les années 70. Et ils ont continué. Alors ça a commencé chez la NASA. Maintenant, c'est vraiment piloté par le ministère de la Défense américain, où ils voient des applications très importantes pour alimenter en énergie les bases avancées sur des théâtres d'opérations militaires. L'aspect énergétique civil est honnêtement au deuxième plan aux États-Unis, mais souvent, de toute façon, dans les avancées scientifiques et techniques, qu'on le veuille ou non, qu'on soit d'accord avec ça ou pas, le militaire fait progresser beaucoup de technologies qui ensuite sont embarquées par le civil. Donc c'était le cas de l'Internet hein, en particulier. La Chine est aujourd'hui aussi un très grand acteur sur le sujet. Alors ils ne partagent pas énormément, mais on sait qu'ils ont construit déjà une antenne réceptrice au sol pour faire des tests déjà de l'espace vers le sol. Donc on regarde avec grande attention ce qui se passe et on a compris que pour les Chinois, c'était l'aspect vraiment énergétique civil qui est important pour avoir une indépendance. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas un pays qui produit énormément d'énergie pour ses besoins propres et ça leur permettrait d'accéder à cette indépendance-là. La Chine, le Japon aussi hein, sont dans la course au solaire spatial. La Chine veut lancer une centrale solaire spatiale d'ici 2035. Léopold Surmerer, pour compléter hein, ce tour du monde des projets du solaire spatial. Oui, il ne faut pas oublier le Japon dans cette liste, parce que c'était le Japon qui était le pays le plus avancé dans cette technologie depuis la fin des années 80, quand sous la présidence Reagan, les Américains ont perdu un peu l'intérêt dans le solaire terrestre et aussi dans le solaire spatial. Et c'est bien les Japonais qui ont fait avancer la technologie, qui ont fait des démonstrateurs en orbite. C'était des petites missions de démonstration, jamais avec une transmission d'énergie de l'orbite vers la Terre, mais en orbite. Et c'est eux qui sont encore très actifs et ils sont aussi dans leur plan stratégique national un objectif de développer le solaire spatial, ce qui leur donne des ressources. Ils ont prévu un démonstrateur espace Terre pour 2025. On est en discussion de éventuellement coopérer dans ce projet, ce qui serait une bonne chose pour nous et pour eux. Par rapport à toutes ces problématiques du solaire spatial, il y a la question économique qu'on a évoquée à l'instant. Léopold Surmerer, actuellement, les équipes de l'ESA se questionnent sur cet aspect économique. Est-ce que le projet de centrale solaire est économiquement viable ou pas? On s'est posé la question et la réponse qu'on a eue ensemble avec des industriels, c'est que on le sait pas encore. Et on le sait pas encore parce qu'il y a trop d'incertitudes encore sur est-ce qu'on peut avoir si. Ah. Bon, eh bien, nous avons été coupés. Léopold Surmerer, on ne vous reçoit plus. Jean-Dominique Coste, sur ces problématiques économiques, est-ce qu'on sait, est-ce qu'on arrive à projeter les capacités d'un satellite d'énergie solaire? Qu'est-ce que un satellite d'énergie solaire pourrait générer, combien de gigawatts d'électricité? Est-ce que ça, Alors, je vais répondre à la partie d'abord économique. Alors, j'ai deux éléments de réponse là-dessus. Le premier, c'est que les premières estimations que nous avons sont que ça serait dans le même ordre de grandeur d'investissement qu'un grand projet énergétique au sol. On parle d'une grande centrale nucléaire, un grand champ d'exploitation pétrolier. C'est dans la même ordre de milliards. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu, qui est élevé pour le milieu spatial, mais qui est pas forcément élevé pour les acteurs de l'énergie. L'autre aspect, c'est que l'approche qu'Airbus prend aujourd'hui, c'est d'aller petit à petit. Donc on a choisi de se concentrer sur le développement de la technologie de transmission d'énergie. Et avec cette technologie-là, on voit déjà des modèles économiques viables aujourd'hui. Si on arrive à remplacer des câbles, à remplacer des pipelines, ou en tout cas en rajoutant par rapport à sur les réseaux actuels, on arrive déjà à générer de la valeur. Et ça nous permet de monter après en échelle, aller dans l'air et aller dans l'espace en amenant les professionnels du secteur de l'énergie avec nous pour que à terme ça soit cofinancé sur le projet final. Et selon l'ESA, un seul satellite d'énergie solaire de taille conséquente pourrait produire 2 gigawatts d'énergie, l'équivalent d'une centrale nucléaire, vous l'avez dit, capable d'alimenter plus d'un million de foyers. Mais avant ça, il y a quelques verrous techniques à dépasser. Jérôme Pérez, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le premier problème, c'est de réussir à maintenir en orbite une grosse antenne. Voilà. Bah, d'abord, le premier problème, c'est de récolter l'énergie. Vous parlez de 1 gigawatt. Il faut savoir que le soleil, il émet beaucoup d'énergie. mais c'est seulement 1 kilowatt par mètre carré en dehors de l'atmosphère. Pour vous donner un ordre de grandeur, au niveau du sol, en prenant en compte les effets d'atténuation de l'atmosphère et de variation d'inclinaison, etc., c'est plutôt en moyenne 300 watts, donc on perd à peu près un quart. Donc si on se met en dehors de l'atmosphère, on a le 1,5 kW, disons, par mètre carré. Donc si vous voulez atteindre 1 gigawatt, eh bien, il vous faut une surface de collecte de 1 km carré, c'est-à-dire un panneau qui fait à peu près 30 mètres carrés de 30 mètres de côté. Donc c'est grand. Et alors une structure comme ça, il faut la déployer dans l'espace, il faut la maintenir en orbite, etc. Parce que si vous voulez récolter l'énergie puis ensuite les mettre en direction de la Terre, il faut que sur la Terre, vous ayez quelque chose pour le recevoir. Donc en général, ce qu'on imagine, hein, si vous me contredisez, vous me dites si je me trompe, mais on imagine que c'est une orbite géostationnaire, c'est-à-dire qu'on va viser toujours le même point, on va avoir une station orbitale qui va être au-dessus d'un point qui ne doit pas bouger. Donc là, le défi gravitationnel, c'est de maintenir en orbite une voile, hein, puisque c'est à peu près ça, de 30 mètres sur 30 mètres, qui ne bouge pas et qui soit en orbite géostationnaire. Alors si on a cette voile qui est déployée, donc elle reçoit aussi, elle, pour émettre, hein, on va dire, elle reçoit une pression de radiation de la part du Soleil, et là quand on fait les calculs, on s'aperçoit que c'est pas du tout négligeable comparé à la force de gravitation qui la maintient sur son orbite. Donc il faut corriger l'orbite, il faut l'adapter, c'est un problème qui est pas simple. Et alors si vous voulez, là on a fait l'hypothèse qu'on avait aucune perte dans la transmission, etc., donc il faudra peut-être plus grand, disons 100 mètres. Alors là, 100 mètres de côté, un carré de 100 mètres de côté que vous déployez, qui est maintenu, qui est résilient à tous les objets qui se promènent à cette altitude, même s'il n'y en a pas beaucoup, etc. Ça commence à faire beaucoup de questions. Pour développer, on vous a récupéré, Léopold Semerer, hein, pour développer cette ferme solaire. La première chose, donc, c'est de créer une structure géostationnaire déployable dans l'espace. C'est correct, oui, c'est correct. Et c'est une des défis majeurs parce qu'on n'a jamais développé des structures tellement grandes dans l'espace. On a une idée comment ça pourrait se faire, mais tant qu'on l'a pas fait, on peut pas dire que ça sera facile à faire. Mais on est très intéressé par ces grandes structures dans l'espace pour plein d'autres applications. Alors tout ce qu'on apprend dans ce projet-là, ça a des applications diverses et variées qui sont intéressantes pour les satellites de télécommunications qui ont besoin des antennes de plus en plus grandes pour des structures d'exploration et de suite. Alors on travaille là-dessus et effectivement, dans chaque... puisqu'on perd un peu de puissance à chaque transformation d'énergie, il nous faut des structures très très larges dans l'espace et sur Terre. Mais ça fait partie de ce système de référence qu'on est en train de développer ensemble avec l'industrie. Et puis l'ESA imagine une ferme solaire plus grande que l'ISS. Jean-Dominique Coste, les panneaux solaires sont généralement lourds et encombrants. Comment surmonter cette limite ? Alors on a besoin de pousser les limites effectivement de la technologie des panneaux solaires. Donc l'idéal c'est de développer des panneaux qui soient en forme de film, qui soient flexibles, mais qu'on puisse déployer comme un tissu pour que ça soit très léger, pour que ça soit flexible. Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui est encore donc une des barrières technologiques. C'est des panneaux qui soient d'une part très efficaces dans leur rendement énergétique, dans la conversion de ce qu'ils récupèrent par rapport à ce qu'ils transmettent, et qui soient aussi dans la structure, soient assez solides quand ils soient dépliés pour subir tous les tracas que mon collègue vient de mentionner auparavant. Donc l'idée c'est de regarder ces designs qui sont déployables parce que sinon avec des panneaux solides ça sera pas possible. Oui, il y a tout un travail chez Airbus hein, qui est réalisé sur l'assemblage 3D en orbite justement. Tout à fait, oui. Mais alors d'après la NASA le coût nécessaire pour envoyer 1 kilo de matériel dans l'espace a été divisé par 20 en 10 ans, mais malgré tout est-ce que les coûts de lancement rendraient cette énergie spatiale non rentable pour un... Alors moi honnêtement la plus grande incertitude qu'on a aujourd'hui, mais qu'on a des idées comment y remédier, hein, c'est encore une fois, j'appuie l'idée du rendement énergétique. Il y a tellement de conversions depuis le soleil jusqu'à ce qu'on veut faire avec l'électricité au sol, qu'on a énormément de pertes, que ça soit qu'on aille du soleil vers l'électricité en courant continu, ensuite on passe en micro, on repasse en courant continu, on repasse après en ce qu'il faut pour l'application. Et toutes ces pertes-là, aujourd'hui, si on n'arrive pas à les minimiser, le système n'a aucun sens. Alors avec la techno actuelle, on n'est pas dans des niveaux de rendement qui soient crédibles pour industrialiser le système. Par contre, on sait qu'est-ce qu'il faut faire comme recherche, on sait qu'est-ce qu'il faut faire comme développement, et on a déjà commencé chez Airbus pour arriver au bon niveau qui nous permet de dire oui, on arrive à convertir ce qu'il faut et le système a du sens. La question de la rentabilité n'est pas résolue, mais elle est en bonne voie. Toutefois, il reste un obstacle majeur. Comment transférer à la Terre l'énergie collectée dans l'espace? Quels sont ces obstacles techniques liés à la transmission sans fil de l'énergie? On en parle après cet hymne au soleil. Carina, sous le soleil, exactement, 16h33 sur France Culture, car nous parlons de l'énergie solaire spatiale. On en parle avec Jean-Dominique Coste, chef de la fonction Blue Sky chez Airbus, Jérôme Pérez, enseignant-chercheur en astrophysique théorique à l'ENSTA, Institut Polytechnique de Paris, et avec Léopold Surmerer, responsable des concepts de projets avancés de l'ESA. Alors nous venons de voir qu'une des étapes clés dans le challenge de l'exploitation de l'énergie solaire, c'est la conversion de la lumière en courant sur Terre. Cette opération dans l'espace est complexe et nécessite des antennes adaptées pour produire de l'électricité. Pour le reportage du jour, vous êtes allé aux étincelles d'Univers Science pour participer à une démonstration de ce principe. Céline Lozen, bonjour. Bonjour Natacha. Oui, alors une fois qu'on a réussi à capter la lumière, la convertir en micro-ondes et assurer sa transmission sur Terre, l'enjeu est de la transformer en électricité exploitable. On y parvient en pratique grâce à des antennes dites redresseuses ou rectifiantes associées à une diode qui rectifie le courant alternatif induit en courant continu. Si l'environnement spatial pose des contraintes considérables, le principe lui est bien connu et maîtrisé sur Terre à plus courte distance. Camille Fadel, ingénieur de recherche et responsable de projet médiation, s'est livré à une manip sur la paillasse avec une tige, une diode et un peu d'itération. Purée, regarde-moi comment ça s'allume. Tourne le bouton là-bas pour l'éteindre, l'appareil. Je le remets au maximum. Remets au maximum. Ok. Ouais, là, on est à maximum. Attends, éteins le bouton. On voit vachement bien, là. Ouais. Ah ouais, ouais. Bon, c'est... maintenant, mets le fil derrière. Je rallume, hein. Oui, oui. Voilà. Et moi, je m'éloigne. Regarde. Approche un tout petit peu le fil. Ah voilà, là c'est bon. Là ça s'allume, hein. Là on va éteindre. Ouais. Ah oui, la lumière bleue. Voilà, l'idée de base, c'est dans un premier temps avec des satellites collecter l'énergie solaire avec des panneaux photovoltaïques et puis utiliser cette énergie pour produire des ondes, plus précisément des micro-ondes, grâce auxquelles l'énergie sera transmise vers la Terre. Et une fois arrivée au sol, ces micro-ondes vont permettre de charger des batteries. Alors nous, ce qu'on a ici, l'émetteur qu'on a à notre disposition n'est pas un émetteur micro-ondes, mais le principe reste le même. C'est plutôt un émetteur métrique. Ça veut dire que l'antenne fait à peu près, c'est de l'ordre du mètre, ça, ces dimensions. Et les ondes qu'on va émettre avec l'émetteur que je vais bientôt allumer vont voyager sur quelques mètres, vont atteindre une autre antenne, c'est juste une tige métallique, vont atteindre une autre antenne qui fait à peu près un mètre de long. Et en plein milieu de cette tige métallique qui fait office d'antenne, j'ai placé un voyant. Si un courant est établi dans cette antenne réceptrice, ben le voyant va s'allumer. Et ça, ça voudrait dire qu'on a transmis de l'énergie depuis l'émetteur vers le récepteur. Oui, c'est un peu une preuve de concept à échelle réduite. Oui, c'est le principe est le même, mais évidemment, les énergies en jeu ne sont pas du tout les mêmes. Alors, on va faire la démonstration, mais avant, juste une précision sur ces ondes métriques, ce sont des ondes électromagnétiques, mais à une longueur d'onde plus élevée, et ce qui explique aussi la distance en jeu. Alors, nous, l'émetteur métrique, ça veut dire qu'on va, actuellement, là, nous, notre émetteur va émettre dans plutôt, on va dire, 200 MHz. Et 200 MHz, ça va correspondre à une longueur d'onde de 1,50 m, quelque chose comme ça. Alors que les micro-ondes qui sont en jeu dans ce projet, ben les micro-ondes, c'est plutôt des ondes centimétriques. Maintenant, le récepteur, se déplace à 1 mètre... on se met à quelques mètres. Alors, j'ai l'impression que le voyant est... Parce que, en fait, notre voyant, c'est une diode électroluminescente. Et la diode, elle ne laisse passer le courant que dans un sens, dans l'antenne. Oui, c'est comme un clapet, en fait. Et donc là, on peut constater que le voyant bleu s'allume. Oui, on voit très très bien actuellement le voyant qui est allumé. Alors, je rappelle, hein, c'est juste une tige métallique coupée en son milieu. Et donc on a maintenant deux moitiés de tige. Et au milieu, on a un dispositif électronique dont le rôle est d'établir un courant alternatif dans cette tige d'une fréquence d'à peu près 200 MHz. Donc cette tige qu'on va appeler émetteur, c'est notre émetteur, sera parcourue par un courant alternatif qui va faire des allées et venues. Et ce courant alternatif va donner naissance à ce qui s'appelle une onde électromagnétique, laquelle onde va voyager, va aller un peu dans tous les sens, et à peu près à 3 mètres, on a placé notre deuxième antenne avec le voyant. Oui, qui est alignée en fait. Avec... Voilà, il faut l'aligner avec l'antenne émettrice. Donc les deux tiges, la tige émettrice et la tige réceptrice, sont parallèles. Et donc là, on peut constater que le voyant bleu s'allume. Oui, on voit très très bien actuellement le voyant qui est allumé. Et ce voyant, en fait, ce n'est pas une ampoule à filament. C'est en réalité une diode électroluminescente. Alors, pourquoi ? Alors, même à filament, ça s'allumerait, hein, et ce n'est pas ça le problème. C'est que dans le projet, ce qu'on veut faire, c'est, lorsqu'on envoie les micro-ondes vers la Terre, cette énergie des micro-ondes, on veut l'utiliser pour charger une batterie. Alors pour charger une batterie, il ne faut pas que sans cesse on inverse la polarité. Du courant continu. Il faudrait du continu, en tout cas pas alternatif, donc pour charger la batterie. Diode, en fait. Voilà. Et il faut donc redresser, comme on dit, il faut redresser le courant alternatif pour charger la batterie. Et là, ici, notre diode est en train de jouer le rôle de redresseur, ce qui fait que l'antenne réceptrice en ce moment, la diode elle-même, est traversée par le courant toujours dans un sens. La diode est traversée, puis elle n'est pas traversée, puis elle est encore traversée. Puis à chaque fois que le courant est dans le mauvais sens, la diode bloque le passage du courant. Et là, on est à peut-être 3 mètres, quelque chose comme ça, ce qui est bien. En tout cas, ça prouve que le phénomène est possible avec ces moyens rudimentaires, mais voilà. Effectivement, dans l'espace, les enjeux ne sont pas du tout les mêmes. Ça prouve qu'on peut transmettre, grâce à des ondes, de l'énergie d'un endroit à un autre. Ici, on capte l'onde et ça permet d'alimenter le voyant. Dans le projet, on capte l'onde et ça permet de charger des batteries. Merci Céline Lozen pour ce reportage. Jérôme Pérez, une réaction à ce qu'on vient d'entendre ? Bah, c'est parfait, il a tout dit. Il a décrit un petit peu le processus qu'il faut réaliser à grande échelle et avec beaucoup plus de puissance. Donc comme on l'a dit, on a du courant continu qui sort des panneaux solaires. Il faut le transformer en courant alternatif parce que si on veut les mettre, c'est une bonne chose. Et puis surtout, on veut les mettre à travers l'atmosphère. Alors pour émettre à travers l'atmosphère, l'atmosphère a des bandes de passage hein, autorisées pour les ondes électromagnétiques. C'est le visible. C'est pour ça qu'on est adapté. Notre vue est adaptée à la bande du visible. Hein. Donc c'est des rayonnements assez énergétiques. Hein. D'autres rayonnements moins énergétiques qui correspondent à une bande passante dans l'atmosphère. Et là, donc, c'est les micro-ondes. Donc en astronomie, on utilise ça depuis très longtemps. Les télescopes dans le visible, c'est les télescopes qu'on voit habituellement avec un miroir. Et les télescopes à micro-ondes, ou à ondes radio plutôt, c'est les grands télescopes Arecibo ou les grands grillages là qu'on voit qui permettent d'observer les galaxies notamment depuis très longtemps. Et donc l'idée c'est d'utiliser l'un ou l'autre de ces deux passages dans l'atmosphère. Alors si on utilise le visible, c'est compliqué parce que l'énergie est très concentrée. S'il y a quelqu'un qui est sur le passage, ça peut poser des problèmes. Puis il y a beaucoup de diffusion avec un laser par exemple qu'on utiliserait pour transmettre cette énergie. Donc c'est un peu problématique. Donc on préfère utiliser les ondes de beaucoup plus grande longueur d'onde. Ce qui était évoqué dans votre reportage. Et alors là, le problème, donc, s'il faut transformer ce courant continu qui est émis par le panneau solaire en courant alternatif à ces très très grandes fréquences, hein, on est dans l'ordre du gigahertz, faire tout ça en orbite et en grande quantité, donc c'est un problème. Ensuite, l'émettre. Alors là, vous avez un problème, c'est un problème de diffraction. Quand vous avez une antenne d'une certaine taille, on va dire une certaine diamètre D, qui émet à une certaine onde, à une certaine longueur d'onde lambda, eh bien, il y a un cône de diffraction qui apparaît, hein, un peu comme quand vous avez un tuyau d'arrosage, hein, ça va pas tout droit, ça diffuse un petit peu sur les côtés. Alors quand vous êtes avec un tuyau d'arrosage, c'est pas très grave parce que c'est sur quelques mètres, mais là quand vous avez 36 000 km sur lequel vous allez vous propager, eh bien le truc qui en haut fait moins d'un kilomètre de diamètre ou un kilomètre de diamètre, la surface du sol ça fait plutôt des dizaines de kilomètres, et donc là il faut faire attention à ce qu'on fait. Et alors si on veut optimiser, avoir à peu près la même taille en haut qu'en bas, eh bien, on peut optimiser tout ça, hein, mais ça demande pas mal de petits réglages. Surtout qu'il faut pas, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut pas que l'antenne du haut bouge, hein, celle du bas ne bouge pas parce qu'elle est fixée sur la Terre. Ensuite, le problème, comme c'était évoqué dans votre reportage, eh bien, c'est que quand on récupère cette onde à très très grande fréquence au niveau du sol et qu'on veut l'utiliser à une fréquence beaucoup plus faible, par exemple du 50 Hz comme on a dans les fils, ou pour charger des batteries du courant continu, il faut le filtrer, le redresser comme on dit. Et alors pour redresser un signal comme ça, avec cette énergie-là, on rappelle qu'on est de l'ordre du gigawatt. Alors, on a un gigawatt sur toute la surface, mais par mètre carré, ça fait que quelques centaines de watts. Hein. Il faut quand même de l'électronique rapide. Et ça, ça n'existe que depuis une trentaine d'années, quoi. Ça s'appelle des rectennas. Donc, c'est des antennes qui rectifient d'elles-mêmes, comme c'était expliqué dans notre reportage, le courant alternatif qui est reçu pour produire quelque chose de plus utilisable dans les applications. Voilà, on voit bien que le problème hein, de la focalisation à cause de la diffraction, comme vous venez de l'expliquer, hein, la taille de ce qu'on émet au début, un rayon petit en sortie de satellite à boîte tout petit, il devient gros à l'arrivée. Jean-Dominique Coste, hein, on voit bien que les difficultés de la tâche sont de deux ordres, à l'émission et à la réception. Oui, alors, je suis un petit peu plus optimiste, parce que nous, dans nos technologies, dans le système, on utilise un type d'antenne qui s'appelle antenne réseau à commande de phase. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un assemblage de plein de mini-antennes qui émettent donc des ondes. Et ces ondes sont réglées pour interférer entre elles. Et en interférant, elles forment un faisceau complètement fermé. C'est-à-dire qu'il y a pas de... ça diffuse pas à l'écart. Ça reste dans un cône fermé. Et en dehors du réseau, du faisceau, on n'a plus aucune émission. On l'a testé, ça, et on est assez confiant que avec la portée, la plus grande portée, ça soit toujours faisable. Et ce qui est vachement bien avec ce type de système, c'est que on peut ajuster vraiment les phases du transmetteur et du récepteur. Que, si les deux sont en train de bouger, ils peuvent s'auto-ajuster pour que le faisceau reste vraiment entre les deux, qu'il n'y ait pas de bavure, que ça ne bave pas sur le côté. Ça, on l'a vérifié. Léopold Surmerer ? Oui, peut-être... Quand on regarde les deux antennes, comme ça a été bien expliqué, ils sont liés avec une relation physique qu'on peut pas battre, mais on doit utiliser. Et typiquement, ce que l'antenne en orbite sera toujours plus petit que l'antenne terrestre, parce que tout ce qu'on met en orbite, ça coûte et plus. Plus ça coûte, moins ce système serait rentable. Alors, du coup, l'antenne en orbite serait toujours un peu plus petite que l'antenne terrestre, ce qui aura aussi l'avantage que la densité d'énergie terrestre est que de quelques centaines de watts par mètre carré, ce qui est typiquement acceptable pour la faune, la flore, et du coup c'est un système qui pourra pas être utilisé comme une arme par la façon comme c'est dessiné, parce que on n'aura pas de densité d'énergie sur Terre qui dépasse quelques centaines de watts par mètre carré. L'idée la plus prometteuse est celle donc d'utiliser des micro-ondes. Mais Jérôme Pérez, il y a aussi l'idée du câble en nanotube comme une sorte d'ascenseur spatial, mais ça c'est une idée trop ambitieuse. Alors, on en a déjà parlé dans une version précédente de cette émission. Dans la méthode scientifique, on poste sur notre fil Twitter le lien du podcast. En ça, fait sur c'est un problème de physique encore plus merveilleux, je trouve. Et ça simplifierait beaucoup des problèmes, puisque si on a un fil, bah là, on peut faire circuler le courant dedans, dans certaines limites, parce qu'il ne faut pas qu'il chauffe trop, etc. Mais ça pose d'autres problèmes. Hein. Il faut tisser ce câble en nanotube. Il faut le maintenir à poste en un seul point fixe. Là, avec ces fermes solaires, on pourrait avoir en orbite, on pourrait en avoir beaucoup plus. Ça serait beaucoup plus facile. Mais peut-être que la bonne idée, ce serait de construire un ascenseur spatial pour développer plein de fermes solaires, entre autres choses. Comme je viens d'apprendre que tout ça, c'est en train de se réaliser, ben, je pense que le projet d'ascenseur spatial va embrayer tout de suite, là. Allez. Suite. Demain, on se met. Vos désirs sont des ordres. Jean-Dominique Coste, je reviens sur la question de la station au sol, pour l'antenne réceptrice. La station au sol devrait donc être très, très, très, très grande. Quelle surface Alors, vraiment, encore une fois, ça dépend de ce qu'on veut faire avec l'énergie. Ça dépend aussi du choix qu'on fait en longueur d'onde. Hein. Parce qu'effectivement, si on veut alimenter une grande ville, on va alimenter Paris lors du gigawatt, et qu'on veut avoir un niveau d'émission qui soit totalement sûr, qu'on puisse se promener avec ses enfants dans le rayon sans problème, oui, effectivement, on a besoin d'avoir des rectenna, donc au sol, qui sont de l'ordre du kilomètre. Après, on peut jouer sur la longueur d'onde, on peut jouer sur le volume énergétique dont on a besoin. Enfin, nous, chez Airbus, on regarde aussi l'application alimenter des avions avec ça. Donc, du coup, évidemment, les tailles sont beaucoup plus petites. Ce qu'on a regardé qui était intéressant, c'était qu'on peut remplacer, en fait, des sites aujourd'hui dits polluants comme des mines de charbon. Et en fait, sur la même surface qu'une mine de charbon, on peut construire une rectenna qui serait à même d'alimenter une ville. Oui, c'est une bonne façon de remplacer ces énergies-là. Alors, par rapport à ces stations au sol, la Chine a déjà construit une base d'essai pour 28,4 millions de dollars à Bishan pour la recherche sur la transmission d'énergie sans fil de haute puissance et sur son impact sur l'environnement. Que sait-on des conséquences environnementales ? Restez à l'écoute. Ah, une virgule qui n'est pas partie. Une virgule qui n'est pas partie, et si. France Culture. La science CQFD, Natacha Trio. 16h49 sur France Culture avec Jean-Dominique Coste, Jérôme Pérez et Léopold Sumerer. Nous parlons de l'énergie solaire qui vient de l'espace. On vient de le voir au final, la dimension qu'on a moins bien connue est sans doute la question de l'acheminement sans fil de l'énergie. Autre inconnue, les conséquences environnementales. Léopold Sumerer, que sait-on justement de ces conséquences-là? On le saura quand on l'aura testé un peu plus qu'on l'a fait maintenant. Maintenant, on a des connaissances théoriques de l'interaction avec des micro-ondes avec des différentes couches atmosphériques. Là, il y a encore une incertitude, surtout au niveau de l'ionosphère, où là, on sait qu'il y aura un peu de perte d'énergie quand le faisceau traverserait l'ionosphère. Ça dépend aussi, bien sûr, de la fréquence utilisée. Et après, au sol, il y aura la grande partie qui sera, bien sûr, captée par la rectenne, mais il y a une partie qui traversera cette rectenne, qui, en cas d'antennes au sol qui pourraient être placées aussi en mer, ça pourrait éventuellement chauffer la surface de la mer un petit peu. Ça, c'est quelque chose qu'on doit regarder encore. Est-ce qu'on connaît toutes les risques? Est-ce qu'on sait les quantifier? Je crois qu'on les connaît. Est-ce qu'on les a bien quantifiés déjà? Certainement pas assez. Et c'est un des éléments qu'on développe dans le programme Solaris pour être sûr qu'on a bien regardé toutes les différentes interactions et leurs conséquences possibles. Jean-Dominique Coste. Oui, alors moi j'aimerais parler de Vladimir. Vladimir, c'est une plante que nous avons placée au cœur du faisceau à la puissance maximum sur le démonstrateur, à 5000 watts par mètre carré, pour voir si qu'est-ce qui se passait. Et il se trouve que à pleine puissance, au cœur du faisceau, il a fallu attendre 5 minutes pour qu'on commence à voir des petits effets légers sur les feuilles de Vladimir. Ce qui fait qu'en fait, c'était beaucoup plus sûr qu'on le pensait en termes de techno. Parce qu'évidemment, enfin, on a mis la puissance de feu max qui ne sera pas déployée dans le système final. Et Vladimir, aujourd'hui, continue à faire des feuilles. Il vit très bien, on l'arrose et dans notre labo. Un autre aspect que je voulais mentionner, c'est que dans tous les systèmes qu'on développe, on met des gardes de sécurité autour. C'est-à-dire que il y a un système qui regarde si un objet ou un être vivant va s'approcher du faisceau, et si c'est le cas, le faisceau s'arrête. Alors même si, en théorie, il n'y a pas de danger imminent à toucher le faisceau, mais on préfère être sûr, donc on peut contrôler ça. Ouais. Eh bien, merci à vous deux pour ce voyage dans le futur proche sur ces technologies-là. Merci infiniment. Eh bien, on va maintenant revenir sur Terre, aujourd'hui, en 2023, sur notre bonne vieille Terre, pour retrouver Gilles Boeuf et sa chronique hebdomadaire, Le pourquoi du comment. La chronique d'aujourd'hui, qui fait vraiment suite très étroitement à la précédente, je l'ai intitulée L'homme peut-il accepter ses limites, hein ? L'homme peut-il s'adapter à lui-même ? L'homme peut-il accepter ses limites ? Confucius disait, si on n'est pas capable de comprendre et d'accepter nos limites, on ne pourra jamais s'adapter. Donc c'est intéressant d'y réfléchir. Dans les changements profonds que nous vivons aujourd'hui, sommes-nous prêts à accepter nos limites et à prendre en compte sérieusement toutes les auto-menaces que nous créons nous-mêmes et qu'on déclenche autour de nous et qui nous posent des problèmes ? Depuis quelques millénaires, siècles et décennies, l'humain influence directement le cours de l'évolution sur la Terre. Ce qui a même amené d'ailleurs à une notion proposée par un prix Nobel de chimie en 2001, anthropocène, la fraction de l'histoire de la Terre durant laquelle le plus puissant moteur du changement, eh bien, c'est la présence de l'humain avec ses espèces domestiques, bien sûr. Les ressources naturelles, tant minérales, les métaux rares par exemple, non renouvelables que vivantes, qu'elles sont renouvelables. La vie, on la définit comme une reproduction à l'identique. Comme on dépasse les seuils de renouvelabilité chaque année, on les exploite comme des ressources qui seraient en fait inertes. Pollution, destruction, partout, dans les sols, les rivières, l'océan et l'air. La forêt tropicale part au rythme de la surface de la Grande-Bretagne chaque année. L'océan se vide, il s'acidifie. Le niveau de la mer monte trop vite. Et ceci, c'est intéressant parce que le climat a toujours changé, heureusement pour la biodiversité. Mais aujourd'hui, il change trop vite, c'est ça effectivement le problème. Les espèces n'arrivent pas à suivre l'évolution du climat. On a travaillé par exemple en France sur comment les espèces s'adaptent en remontant en montagne. Ils ont réussi à faire 100 mètres sur 18 ans. Au sol, ils n'y parviennent pas. Ça va trop vite. Hein. Un arbre, il ne se déplace pas comme un papillon ou comme un oiseau, bien sûr. Hein. L'influence de l'humain sur l'occurrence, la fréquence et la puissance des cyclones tropicaux, c'est grâce à partir, bien sûr, des émissions de CO2. Et l'empreinte de l'humain s'accélère considérablement depuis une trentaine d'années. La mer remonte 5 à 6 fois plus vite depuis une trentaine d'années. Et ça relance le débat aussi, puisque nous avons quadruplé la population humaine entre 1940 et aujourd'hui. Comment fait-on? Que doit-on faire, bien sûr, aujourd'hui? Donc, il faut qu'on réfléchisse bien à nos besoins impératifs de vivant. Nous ne mangeons que du vivant. Nous ne coopérons qu'avec du vivant. On l'a vu dans le programme Une seule santé, bien sûr. Et la question que nous avons, nous, scientifiques, c'est que nos écosystèmes actuels sont-ils aujourd'hui suffisamment structurés, organisés, pour répondre au changement global assez vite? Toutes ces questions ne sont pas que des préoccupations d'écolos farfelus. Hein. Elles sont partout. Hein. Elles sont centrales dans l'évolution géopolitique des sociétés humaines aujourd'hui. Le changement climatique résulte déjà en conflits et crises. On le voit très bien en ce moment, bien sûr. Tout ceci réintroduit la question technique et philosophique sur la notion de progrès, qui est souvent liée à un progrès sale, hein, le pétrole, les pesticides. Alors, on a changé ça par innovation. Hein. Est-ce que ça change vraiment quelque chose? Comment on protège la maison commune, comme disait Robert Barbeau? Lévi-Strauss disait en 2008, si l'humain possède d'abord des droits au titre d'être vivant, il en résulte que ces droits reconnus à l'humanité en tant qu'espèce rencontrent leurs limites naturelles dans les droits des autres espèces. Hein. Peut-on accepter nos limites? Nous ne sommes pas tout seuls sur la Terre. Et en plus, on est apparu très récemment. Nos économies dépendent totalement de la biodiversité maintenue et d'environnements en bonne santé. L'océan également, notre santé aussi. Il n'y aura pas d'agriculture durable sans base écologique. Il n'y aura pas de santé durable autrement basée que sur de l'écologie. Donc il nous faut trouver un nouveau système économique, beaucoup plus soutenable, basé sur des énergies renouvelables, décarbonées, ne consistant pas à faire du profit, accepté sur la destruction de la nature ou sa surexploitation. Donc il nous faut trouver un nouveau système social, beaucoup plus partageur, non centré sur une mince couche de la population. Oui, on doit changer. Et je terminerai en vous disant que depuis 4 milliards d'années, le vivant s'est adapté parce qu'il a accepté de changer. Et nous, on ne change toujours pas. Merci Gilles pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Cette émission n'existerait pas sans les efforts et le talent d'Antoine Beauchamp, de Noémie Naguet, de Saint-Vulfran, Nafi Terras, Garance Prima, Anelo, Céline Lozen, Mariam Ibrahim, à la réalisation Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui Audrey Guélil. Cette émission, ce podcast à toute heure sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France, c'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour. Souvenez-vous, rien n'est établi.